Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 6 octobre 2017. Voici tout de suite les grandes articulations. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burundi fait son mea culpa et reconnaît que la diffusion de l'éditorial à l'origine de la suspension des émissions de sa radio, la CCIBFM+, par le conseiller national de la communication est une faute professionnelle. Mais Denis Chimirimana demande au CNC d'alléger cette sanction qui pénalise dans le même temps les opérateurs économiques. Vous l'entendrez. Et puis le contrat d'extraction des terres rares de Gakara avec le gouvernement du Burundi n'est nullement pas en secret et se trouve à la portée de quiconque voudrait le consulter. C'est le directeur général de la société Rainbow Mining Burundi qui l'a déclaré au cours d'un point de presse, au cours duquel il a énuméré les avantages que tirera le Burundi de ce contrat. Vous entendrez, Dr Gilbert Midende. Et certains commerçants, notamment ceux de la zone Bouyenzi, qui exploitent des décortiqueuses de riz, se plaignent de travailler à perte après la hausse par la régie des eaux des tarifs des consommations de l'électricité. C'est un reportage que vous suivrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Le secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi reconnaît la faute professionnelle commise par sa radio dans la diffusion d'un éditorial sur la mort de Burundi à Kamanyola en RDC. Pour Denis Chimirimana, cet éditorial, diffusé les 18 et 19 sur CCIBFM+, n'entre pas dans la ligne éditoriale de cette station depuis sa création en 1993. Il demande pour cela à l'organe de régulation de la communication Burundi, le CNC, d'atténuer la sanction prise qui consiste en la suspension de ses émissions pendant 3 mois. Denis Chimirimana explique que la CCIBFM+ est l'outil de communication par excellence avec les opérateurs économiques. Alors, du côté de la direction de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, l'éditorial diffusé en langue française et en langue nationale en date du 18 septembre 2017 et au matin du 19 septembre et qui a été rediffusé dans la revue hebdomadaire du 23 septembre 2017, ne rentre pas dans la ligne, dans la vision de la Chambre de commerce et d'industrie du Burundi. Donc, j'estime qu'à ce titre sur le plan journalistique, cet éditorial contient un certain nombre de travers, que ce soit par rapport à notre ligne éditoriale, qui ne le permet pas ainsi. Nous avons déjà entrepris des démarches auprès du Conseil national de la communication, parce que la radio CCIB FM+, c'est notre outil de communication avec les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons coupés de cet outil important. Et le directeur général de la société Rainbow Mining Burundi fait savoir que le contrat d'extraction des terres rares de Gakara a été passé conformément à la loi. Dr Gilbert Midende précise que ce contrat sera bénéfique aussi bien pour le gouvernement que pour la société et que l'extraction sera faite dans le respect des normes environnementales. D'abord, au niveau de l'investissement, Rainbow Mining Burundi va investir à peu près 7 millions de dollars, dont 5 millions qui vont être investis déjà cette année-ci. L'État, dans la société Rainbow Mining Burundi, a 10% d'action gratuite. Rainbow va payer des impôts sur ses bénéfices à l'État. Dans la loi actuelle, les impôts sur les bénéfices, 30% des bénéfices. Mais le plus important, à part ses apports financiers dans l'État, tout l'argent que Rainbow va avoir en vendant son minerai à l'extérieur, tout cet argent est payé donc en devise, doit être entièrement rapatrié à 100%. Donc, au niveau des devises, il y a un gain extrêmement important de devises par l'État, ce qui contribue beaucoup à l'équilibre de la balance des paiements. Dans l'état actuel des choses, par exemple, quand on regarde le coût des terres rares, des teneurs, etc., eh bien, la valeur de l'exportation de 5000 tonnes par an va être autour de 12 à 15 millions de dollars. Nous avons mis cette usine près du lac Tanganyika pour toutes sortes de raisons que nous avons évaluées. Par exemple, Il n'était pas facile d'avoir un espace d'à peu près 1 hectare, 2 hectares, dans les montagnes, là, à Mutambu, en terrain plat. Alors, si on ne l'a pas, il fallait couper la montagne. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui ont fait que nous venions ici, près du lac. Alors, maintenant, l'étude environnementale qui a été faite, eh bien, il s'est préoccupé de tous ces sujets, l'environnement physique, l'environnement humain, l'approche du lac, etc., etc. Par exemple, nous n'allons pas utiliser l'eau du lac. Nous avons pris nous-mêmes notre eau, nous avons fait un forage. Il n'y a rien qui va être jeté dans le lac. Nous avons des techniques appropriées pour garder même l'eau qui va être utilisée, pour recycler l'eau qui va être utilisée. Eh bien, nous avons ce qu'on appelle des filtres presse pour que rien n'aille absolument dans le lac. Donc, tout ça a été, je vous dis, étudié. Et le rapport, il est là. C'est un très bon rapport. Docteur Gilbert Midende, directeur général de la société Rainbow Mining Burundi. Et la protection du lac Tanganyika est un travail de tout le monde. C'est du moins l'avis du deuxième vice-président de la République, Joseph Outoré. Ce jeudi, lors de la présentation des réalisations semestrielles des 12 ministères sous sa tutelle, présentation faite devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, les députés et sénateurs ont souhaité que les lois sur la protection du lac soient scrupuleusement respectées. Thierry Fayokurela. À l'Assemblée nationale, les parlementaires et sénateurs ont montré leurs inquiétudes quant à la pollution du lac Tanganyika. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kwasa Agato, estime que si rien n'est fait, le lac risque de ne plus produire de poissons. Je voulais informer le ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Tanganyika est en train d'être pollué à un niveau très élevé, alors que nous savons que Tanganyika c'est le réservoir d'eau potable utilisé ici dans la ville de Bujumbura. Les déchets plastiques, les déchets de différentes industries y sont déversés. Il faut une stratégie de protection du lac. Nous sommes peut-être vieux, mais pensons à nos enfants. Si rien n'est fait, nous risquons de perdre nos fameux poissons et il n'y aura plus d'eau potable. Le deuxième vice-président, Joseph Outoré, y trouve que la protection du lac est un travail de tout un chacun. En ce qui est de la protection du lac Tanganyika, si la population locale, pire encore l'administration locale, n'est pas conscientisée sur la protection des rivières et lacs, c'est un problème grave. Moi, je trouve que c'est une tâche de tout un chacun. Et une fois que l'administration à la base sera conscientisée, je suis sûr que ce problème sera réglé de soi-même. Mais aussi longtemps que cela n'est pas fait, cela restera toujours un défi. Les députés ont soulevé ces inquiétudes alors que dans le rapport du ministère de la Bonne Gouvernance, certains services de l'État étaient pointés du doigt dans cette pollution du lac. Dans la suite de ce journal, les personnes âgées sont confrontées à beaucoup de difficultés comme l'injustice, le manque d'assistance médicale et de logement, telles que l'ont déclaré les personnes âgées prises en charge par l'Association de défense des personnes âgées à l'occasion de la célébration différée ce vendredi de la Journée internationale dédiée aux personnes âgées, une journée habituellement célébrée le 1er octobre de chaque année. Le point avec Florence Ndahiragic. Ce sont des personnes âgées dont l'âge atteint plus ou moins 70 ans dans les cérémonies de célébration de la Journée internationale dédiée aux personnes âgées. Elle a été organisée par l'Association de défense des droits des personnes âgées, ADDPA en sigle. Que ce soit le représentant des personnes âgées, Serge Kayengayenge, que ce soit le président de l'ADDPA, tout se converge sur la délicatesse des difficultés que rencontrent les personnes âgées, comme l'injustice, le manque de logement et des soins médicaux. Serge Kayengayenge, qui a représenté ces vieillards, demande au gouvernement le droit de se faire soigner gratuitement, l'accès au logement et à l'assistance judiciaire. Nous demandons au gouvernement qu'il nous aide à avoir des soins médicaux gratuitement et nous aider à avoir nos propres avocats en cas d'injustice et de nous trouver un logement convenable comme dans un site. Le président de l'Association de la défense des droits des personnes âgées, Édouard Nijimbélé, indique que cette journée arrive au moment où le nombre de personnes âgées a augmenté. Il demande à toute personne de soutenir cette initiative. Cette journée arrive au moment où les personnes âgées sont maltraitées jusqu'à ce qu'elles soient tuées pour être expoliées leurs terres. Nous demandons au gouvernement de mettre en place une loi pour la protection des personnes âgées. Le ministre des Droits de l'Homme, Martin Ivdawandi, salue l'initiative des associations qui défendent les droits des personnes âgées. Il affirme que la politique nationale de la protection sociale est en cours. Le ministre Ivdawandi rassure que cette politique sera bientôt décentralisée. La journée internationale des personnes âgées est célébrée le 3 octobre de chaque année. Et le prix de certains produits alimentaires de première nécessité ont monté depuis que la Régie des eaux a revu à la hausse ses tarifs sur les consommations du courant électrique. Par exemple, les commerçants de la zone Bouyenzi qui exploitent des décortiqueuses de riz affirment qu'ils enregistrent beaucoup de manques à gagner. On fait le point avec Ornella Mucho. Les commerçants qui utilisent des machines à décortiquer le riz disent que le prix a monté de 30 francs à 50 francs par kilo et que le riz, soi-disant de dernière qualité, a passé de 1800 francs à 1900 et ou 2000 francs par kilo. Nous avons un grand problème parce que ici, chez nous, c'est des morts, comme le travail de nos jours, de faire le mouvement dans les marchandises que les clients amènent ici, des morts. Pour continuer à travailler, il faut faire le processus de faire le relevé du prix parce que nous aussi, nous avons un problème quand nous allons acheter des index à la Régie des eaux. Nous trouvons que la Régie des eaux a augmenté le prix et nous aussi pour continuer à travailler, il faut que nous aussi doit élever les prix pour continuer à travailler. Avant, le kilo ça coûte 1800 et aujourd'hui le kilo ça coûte 1900. Avant, le kilo s'opérait par 30 francs le kilo et aujourd'hui le kilo doit s'opérer par 50. Selon cette autre commerçante, elle précise que même si elle continue ses activités commerciales, elle est en train de travailler à perte et demande à l'entreprise Régie des eaux de revoir ses nouveaux tarifs. Depuis que la Régie des eaux a revu à la hausse le courant, c'est comme si nous travaillions dans une perte. Parce que là où on payait 30 000 francs pour une tonne, maintenant c'est 50 000 francs pour une tonne. L'argent que tu pensais bénéficier, tu le paies au courant. C'est un problème. Nous demandons au moins d'augmenter le prix à 10 francs seulement parce que les tarifs sont très élevés. La situation se présente ainsi après que la Régie de l'eau et de l'électricité Régie des eaux a récemment revu à la hausse des prix de l'électricité, arguant vouloir trouver solution au manque de courant. Ornella Mucho, une courte pause et nous appelons certains de nos correspondants à l'intérieur du pays. Isanganiro. Le tribunal de grande instance de Karouzi a condamné ce jeudi à la servitude pénale un homme de la colline Gasekanya de la commune Guitaramouka en province Karouzi. Il est accusé d'avoir tué sa femme à coups de gourdin. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumiye. L'homme dit Nodovalina Kandi de la colline Gasekanya de la commune Guitaramouka, province Karoussi, accusé d'avoir assassiné sa femme et l'avoir brûlée, vient d'être condamné par le tribunal de grande instance de Karoussi d'un emprisonnement à perpétuité. C'est ce mardi qu'il avait été surpris avec le cadavre de sa femme à plus d'un kilomètre, là où il allait jeter son corps sans vie dans un fossé, là où l'on a extrait la terre pour la construction d'une église à Kigozi de la même commune. Il l'a tué à coups de planche dans moule de fabrication de briques et par suite il l'a brûlé à l'aide des sachets au niveau des jambes et des bras jusqu'au niveau même de l'appareil génital, comme l'explique le substitut du procureur au tribunal de grande instance de Karoussi dans un procès de flagrance de ce jeudi soir. Sur ce, le présumé coupable ne nie pas l'avoir brûlé, mais refuse qu'il l'a brûlé au niveau de l'appareil génital. Après délibération, le tribunal de grande instance a indiqué à M. Valina Kandi, de 32 ans, qu'il est puni d'une sanction de servitude pénale à perpétuité. Mais sa mère Nahima Najiri, qui était accusé de n'avoir pas alerté pour assistance à une personne en danger, cette mère a été acquittée. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Toujours dans cette province de Karoussi, un homme du nom de Minyaruko Joseph, 27 ans, a été retrouvé tué dans une bananerie de la colline Kibenga, en commune Gitaramuka. C'est toujours dans cette province de Karoussi. Les responsables de cette commune indiquent que le corps sans vie a été retrouvé ce matin de vendredi avec 4 régimes de bananes à côté. Selon les responsables administratifs, c'était un bandit qui a été tué par les gardiens de cette bananerie. La police affirme qu'elle est à la recherche de ces gardiens qui auraient pris fuite après le forfait. Et 12 personnes réparties en deux familles viennent de passer un mois au centre d'accueil des refoulés à Kinazi, c'est en commune de Muyinga. Ces rapatriés du camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie s'attendent impatiemment à être transférés dans la province d'origine, à savoir Makamba. Mais jusqu'ici, ils vivent des vivres collectés au jour le jour par les volontaires de la Croix-Rouge en complément du riz offert par le Centre pour le développement familial. Dieudonné Nzeyimana. Goret Ndaisenga et Goret Namvukiye, deux mères avec chacune ses enfants, viennent de passer et moi au centre d'accueil des refoulés à Kinazi, commune Muyinga. D'après leur dire, ils se sont rapatriés à partir du camp de réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Rentrant main vide, les deux familles affirment avoir tout laissé au camp car s'étant dérobé avant le lancement officiel du rapatriement organisé par le gouvernement Burundi et l'OHCR. Au centre de Kinazi, ils vivent des vivres collectés du jour au jour par les volontaires de la Croix-Rouge à cette colline à côté d'Iri, donnée par le Centre pour le développement familial CDFC à Muyinga. Le grand problème, c'est le froid, car ils n'ont pas d'eau couverture là où ils dorment dans les tentes. Ils souhaiteraient arriver dans les provinces d'origine, à savoir Makamba, précisément en commune Nyanzalake. Des sources administratives indiquent que les autorités des deux provinces se sont contactées à cet effet, mais le moyen de déplacement a fait défaut jusqu'aujourd'hui. Dans le même centre, se trouve aussi un jeune homme originaire de la commune Mwakiro, rapatrié cette fois-ci à partir de Nakivale en Ouganda. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. On termine ce tour de nos correspondants par Gitega, où le manque de terres cultivables est l'un des critères de définition des indigents pour établir leur liste dans cette province de Gitega afin de les faire soigner. Ces critères ont été validés ce jeudi par les administratifs de la province Gitega et l'exécution sera faite par l'ONG Mémissa Belgique et la Croix-Rouge de Gitega, comme nous le rapporte notre correspondant Arthur Kavarouchi. Ces petits critères qui ont été validés ce jeudi par les administratifs de la province de Gitega en collaboration avec l'ONG internationale Mémissa Belgique et la Croix-Rouge et Branche de Gitega sont les suivants. Ne pas avoir de propriété et ne pas s'autofinancer, une personne âgée qui n'a pas de soutien et qui ne peut pas travailler, des orphelins et tous ceux qui n'ont pas de soutien, un ménage qui a accueilli des gens et qui sont sans soutien, les gens qui ont des maladies qui ne guérissent pas, et qui n'ont pas de moyens, les personnes handicapées sans soutien et des veuves. Selon le docteur Nourouziza Edouard, représentant les gardes de l'ONG Mémissa Belgique, il fait savoir que cette activité de collecte de ces critères a duré 2 mois, étant donné qu'ils ont commencé par expliquer la notion d'indigence. Le représentant de l'ONG Mémissa Belgique indique qu'ils vont dresser une liste des indigents de la province de Gitega pour leur donner la carte CAM, leur permettant de se faire soigner gratuitement et leur regrouper dans des activités génératives de revenus afin de les retirer de cette situation d'indigence. Les administratifs de la province de Gitega ont bien accueilli ce programme car ils ont constaté que l'aide ne parvenait pas aux vrais indigents. Ce programme va durer 5 ans et va être exécuté à partir de janvier 2018. Depuis Gitega, Arthur Kavawushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavawushi. C'est sur cette correspondance depuis Gitega que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de François Akimana au micro Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes et un très bon début de week-end.